caché derrière la porte. Je te demande ton numéro, tu donnes celui de ta pote. Laisse-moi m'introduire dans ta petite vie, prêter ma forte. Qu'est-ce que tu veux, c'est ta beauté qui m'envoie dans les cordes. Si Paris va bien, pas sache que me guipette la forme. Tu me fais mijoter pour mieux me grailler, tu fais la mort. Charismatique sans force, t'es sûrement dans la mode. Je m'y prends sûrement mal, faut pardonner, j'ai pas les codes. Mais tu fais la mort. J'ai besoin de ton accord. Tu ne fais pas d'effort. Ouais, ouais. J'ai demandé à la nuit de laisser rentrer le jour et de nous dévoiler. Dévoiler. Je t'ai donné mon cœur aveuglément, toi qui cherchais à me le réparer. Réparer. J'ai demandé à la nuit de laisser rentrer le jour et de nous dévoiler. Dévoiler. Je t'ai donné mon cœur aveuglément, toi qui cherchais à me le réparer. Réparer. Abasourdi, j'ai les yeux qui pleurent. De tes bras, il n'y a plus de peur. Tes battements de cœur jouent sur mon humeur. Je t'en supplie, mon amour, give it to me. De parler, je sais très bien à quoi tu penses. Et c'est pas de m'endormir, tu vas réveiller mes sens. Et la première seconde, je l'ai compris dans l'inconscience. T'es rentré dans mon cercle, la mer était là. Donc que des folies pour retrouver la raison. Je te l'ai promis, j'aurai l'homme à la maison. Pour toi, j'accomplirai la pire des missions. Et fais dans moi la main funèbre et l'horizon. À deux, on sera plus fort. On partagera nos torts. Je t'aime sans faire d'effort. J'ai demandé à...